Le magasin de l'arc-en-ciel, par André Theuriet. En ce temps-là, me dit mon ami Jacobus, j'avais 20 ans. J'étais un jeune coquebin au corps solidement charpenté et musclé, mais à l'âme candide et fraîche comme une fleur qui s'ouvre. Au sortir d'un collège ecclésiastique des environs de Loches, ma famille m'avait envoyé à Tours pour commencer mes études à l'école secondaire de médecine et m'avait confié à la surveillance d'un parent éloigné, M. Mourambal, propriétaire d'un grand magasin de nouveautés à l'enseigne de l'Arc-en-Ciel, rue de l'Intendance. Je logeais chez lui et j'y prenais pension. C'était pour mes parents une sécurité et une garantie de sagesse, car M. Mourambal passait pour un homme rigide, impeccable, dont la maison était tenue comme un couvent. À 10 heures, au moment où on fermait le magasin, la porte d'entrée était également close à double tour, et le pensionnaire qui se fût attardé aurait couru le risque de coucher dehors. Ce n'était pas mon cas, d'ailleurs. J'avais plutôt des goûts casaniers, et sitôt mon dîner avalé, je remontais travailler dans ma chambre juchée sous les toits. La sévérité de M. Mourambal m'en imposait, et je ne me souciais pas, en dérogeant la règle, de me faire expulser de la patriarcale maison de ce notable commerçant. Assez grand, pourtant beau, Aristide Mourambal, bien qu'ayant passé la cinquantaine, conservait une austère verdeur. Ses lèvres rasées, son nez proéminent, ses sourcils bourrus et ses favoris poivre et sel lui donnaient un faux air de magistrat. Correct et vêtu de noir, ce juste ne badinait pas sur le chapitre des mœurs. Il menait sa femme et son magasin au doigt et à l'œil. Au timbre solennel de sa voix, les commis tremblaient et les demoiselles de comptoir baissaient respectueusement le nez. Parmi ces dernières, une seule ne semblait nullement effarouchée et répondait au coup de boutoir d'Aristide par une moue dédaigneuse. C'était pourtant une mince et frêle berrichonne de 20 ans, nommée Sylvine, que la gracilité de sa taille et la délicatesse de ses traits ne prédisposaient guère à tenir tête à l'autoritaire négociant. Seulement, elle sortait d'une maison de Paris, était fort habile vendeuse, plaisait à la clientèle, et ses raisons sans doute inclinaient Mourambal à une exceptionnelle indulgence. En sa qualité de première, elle mangeait avec moi à la table des patrons et sa présence charmait la monotonie des heures de repas. Assis en face d'elle, j'admirais sa jolie figure à l'ovale allongé, ses lèvres malicieuses et un tantinet sensuel, ses yeux bruns veloutés et pleins de caresses, son front haut, étroit, encadré dans des bandeaux de cheveux châtains. Elle ressemblait à une madone, mais une madone qui rêve à des fredaines, et cette grâce à la fois virginale et voluptueuse me troublait amoureusement l'imagination. Parfois nos regards se rencontraient, et la caresse de ses yeux pleins de langueur et de malice me tombait comme une chaude rosée sur le cœur. Insensiblement, je devenais fort épris. De confus désirs me montaient au cerveau, de même qu'en avril, la sève monte aux branches des arbres. Mais mon inexpérience et ma timidité de coquebin me faisaient croire que Sylvine était aussi virginalement innocente qu'elle en avait l'air. Il me semblait que je n'oserais jamais lui dire un mot de travers, ni la toucher seulement du bout du doigt. Nous logions tous deux sous les combles, nos chambres étaient presque voisines, et souvent, à l'heure de la coucher, nous nous rencontrions dans l'escalier. Elle montait la première, et à la vacillante clarté de mon lumignon, je reluquais avidement son élégante silhouette, ses cheveux noués en un chignon très bas, sa taille mince et le flottement de sa jupe sur les marches. Parfois, elle se retournait, surprenait mon regard convoiteusement fixé sur elle. Un sourire troussait les coins de ses lèvres rouges, ses prunelles veloutées laissaient tomber sur moi, entre les cils rejoints, une encourageante œillade. Mais j'avais une telle émotion, ma gorge était si serrée, que je ne pouvais articuler un mot. Nous nous souhaitions le bonsoir et je gagnais ma chambre avec le cœur gros de soupirs et de désirs rentrés. À la fin, elle eut pitié de ma sottise et un soir, où nous trouvions seuls à seul devant sa porte, elle me dit « Je ne sais ce qu'à ma croisée. Les gonds sont rouillés, je crois, et je ne suis pas assez forte pour faire joindre les deux battants. Vous seriez bien gentil de m'aider à la fermer. » Je marmottai 2 ou 3 mots d'acquiescement, et je la suivis dans sa chambre qu'imprégnait une fine odeur de verveine. J'avais la poigne solide, et en un tour de main, la targette de la croisée fut fixée dans le crochet. J'allais me retirer tout bêtement quand Sylvine reprit avec un malicieux sourire « Reposez-vous un moment. Vous n'êtes pas si pressé de travail que vous ne puissiez faire un brin de causerie. » Je lui obéis, et comme elle ne possédait qu'une chaise, elle s'assit sur son lit, les jambes pendantes, la jupe laissant voir deux petits pieds qui me mettaient la tête à l'envers. Dans l'étroite cellule, il n'y avait entre elle et moi qu'un très petit espace, mais ce vide me semblait immense et infranchissable. Pourtant, je ne songeais qu'à le franchir, et sous le poids de cette préoccupation, je vous assure que la causerie n'était guère animée. Sylvine parlait seule, tandis que je ne quittais pas des yeux les deux mignons souliers ornés de bouffettes de soie noire. La suggestion était trop forte. Brusquement, je m'agenouillais devant elle, et je baisais dévotement ses deux pieds tentateurs. En un clin d'œil, elle fut debout. Je m'étais relevé à mon tour, m'imaginant déjà qu'elle allait me chasser honteusement. Point. Elle me jeta ses deux bras autour du cou, ses lèvres se haussèrent jusqu'au niveau des miennes, et tout frémissant, je savourais l'exquise caresse de ses timides baisers. « Ah, Sylvine ! » balbutiai-je, suffoqué de joie. « Vos baisers me rendent fou. Vous m'aimez donc un peu ?» Elle roula sa jolie tête sur mon épaule et murmura. « J'ai vu que vous en aviez envie. Quelle folle je suis, n'est-ce pas ?» La glace était rompue, et je vous jure bien que je rattrapais le temps perdu en soupir. Cette soirée de délices se renouvela souvent. J'adorais cette virginale et troublante Sylvine, et nous oublions toute prudence, au risque d'éveiller les soupçons du rigide Monsieur Mourambal. Un soir, que je confiais à ma petite amie mes craintes au sujet de l'austère tyran du magasin de l'arc-en-ciel, elle éclata de rire. « Lui, austère ! » s'écria-t-elle. « C'est le plus enragé juponnier que je connaisse. » La plupart de ces demoiselles de magasin ont été ses maîtresses. Il a voulu essayer avec moi, mais je l'ai giflé, et depuis ce temps-là, il se tient quoi ? Il faut croire que les amours heureuses exhalent une odeur subtile qui les trahit. Aristide Mourambal finit par se douter de quelque chose et devint subitement inquiet. Sa surveillance redoubla d'une façon gênante. Souvent, sur le tard, nous l'entendions rôder dans le couloir. Mais derrière notre porte close, nous n'en avions cure et nous rions de ses tracasseries policières. Pourtant, il arriva une nuit que nous nous endormîmes et, lorsque je m'éveillais dans la chambre de Sylvine, le jour pointait déjà. Je me levai en hâte et me glissai dans le corridor. Mais à peine avais-je refermé la porte qu'une poignée nerveuse s'abattit sur mon épaule et j'entendis la voix solennelle de Mourambal grogner sourdement. « Misérable libertin, je vous y prends !» L'amour me donnait de l'audace et aussi le sentiment du danger que je faisais courir à Sylvine. Lestement, je me dégageai en poignant à mon tour l'austère négociant à la gorge. « Oui, c'est moi !» répliquai-je férocement. « Et si tu ne te tais pas, tu t'en mordras les doigts !» Je ne me reconnaissais plus. Dans ma colère, j'osais tutoyer le terrible despote de l'arc-en-ciel. « Si tu fais un esclandre, continuai-je, je te traîne dans ta boutique devant ta femme et tes commis. Je raconte que tu débauches toutes tes demoiselles de magasin. J'ai des preuves !» Maintenant, file doux et flanque-moi la paix. On ne vit jamais homme plus abasourdi et plus piteux. Le tyran était maté. Assez, assez, bredouillait-il. Lâchez-moi. Il redescendit l'escalier et je rentrai dans ma cellule. À partir de cette glorieuse matinée, le magasin de l'arc-en-ciel justifia son nom. La paix et la mansuétude y régnèrent sans un nuage. L'austère Mourambal devint coulant, tolérant, paisible comme un mouton. Ce fut l'âge d'or pour les vendeuses et les commis, qui ne soupçonnèrent jamais la cause de cette miraculeuse transformation. C'était le magasin de l'arc-en-ciel par André Theuriet.